Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo, radio locale et libre, libre et locale. Et depuis 42 ans maintenant, on peut dire, hein? Oui. Et puis, vous voyez, on n'a pas empêché, on n'a pas une grande efficacité, hein? On n'a pas empêché Sarkozy d'arriver au pouvoir, on n'a pas empêché non plus Macron d'arriver au pouvoir et de faire ce qu'il fait. Est-ce qu'on est bien utile, hein? On sait pas. Alors, le programme de ce soir, Yann Le Bolloc démonte du SOPT, Adrien Quatennens, le retour, le chômage de masse, Daniel Obono, Macron veut détruire les conquêtes du Conseil de la Résistance, Daniel Obono, deux points, ouvrons les guillemets, Macron veut détruire les conquêtes du Conseil de la Résistance. Ensuite, Mathilde Panot, rejet de la réforme des retraites. Ensuite, Éric Coquerel, le retrait de la réforme des retraites n'est pas négociable. Mobilisation pour nos retraites, par Jean-Luc Mélenchon. Musique, vie de Lula, président du Brésil. Et les filles, Sophia Chikirou, les saboteurs du service public. Les saboteurs du service public. Et puis, pénurie d'essence. Et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Thank you. Le calendrier des esclavages et des libérations. Nous sommes le 20 février. Que s'est-il passé le 20 février de 1810, par exemple, en Autriche? Eh bien, Andreas Hofer, héros national des luttes anti-napoléoniennes, après avoir été livré par trahison, est fusillé à Mantoue, en Italie. Tiens, il y avait déjà des colombos à ce temps-là. Ah bon. 1870, Canada, les émissaires d'Ottawa reconnaissent le gouvernement provisoire des Métis comme seul interlocuteur valable pour négocier l'entrée dans la Vallée Rouge. 1899, Russie. Première grève d'étudiants en 1899. J'ai dit 89, non, c'est 99. 1899 en Russie. 1924, Palestine. Le comité exécutif de l'Internationale syndicale rouge lance un appel aux ouvriers arabes de Palestine. Les employeurs vous traitent comme des esclaves. Oh, déjà, 1924. Le travailleur arabe n'est qu'une bête de somme aux yeux du capitaliste. Vous devez vous opposer à l'alliance étroite du capital anglo-sioniste. Fermons les guillemets. 1927, Chine, à Shanghai, on compte 250 000 grévistes. Mais les patrouilles des seigneurs de guerre tiennent les rues. 20 grévistes sont décapités en public et leurs têtes sont exposées au carrefour. Eh oui. Louis XVI, Macron. 1928, Japon. Premières élections au suffrage universel. 8 candidats des partis populaires sont élus. 1947, Turquie. Loi concernant les syndicats de travailleurs et d'employeurs ainsi que les fédérations syndicales. 1958, Autriche. Le nouveau programme du PC, du Parti communiste, met l'accent sur la recherche d'une voie de passage pacifique au socialisme. 1973, Grèce. Toutes les facultés d'Athènes sont en grève contre la dictature des colonels. 1984, France. Première grève nationale des mineurs depuis 20 ans, lancée par toutes les centrales syndicales. 1984, France, première grève nationale des mineurs depuis 20 ans, lancée par toutes les centrales syndicales. Merci, Madame la députée. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, j'ai un rappel au règlement. Chers collègues, j'ai un rappel au règlement que je vais prendre, qui est celui de Monsieur Cazeneuve. Puis je donnerai la parole à l'orateur. Merci, Monsieur. Sur la base de quel article, Monsieur le député ? Sur la base, sur le fondement de l'article 70, alinéa 1. Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu pendant. Deux jours, des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Merci, monsieur le député. Alors... J'ai un deuxième rappel au règlement. Chers collègues, je vous le donnerai, Madame Amiot également. Chers collègues, Monsieur Delogu, vous vous asseyez. Chers collègues, Monsieur Delogu. Alors, on va se calmer immédiatement. Deux rappels au règlement, Monsieur Maillard, puis Madame Amiot. Nous allons chacun les entendre, s'il vous plaît. Sur la base. 100, on y va. Je demande une suspension de séance. Deux secondes. J'entends. C'est pas la peine d'hurler, j'entends. J'ai entendu. Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Chers collègues, nous allons faire les choses dans l'ordre. Alors. J'attends que vous vous taisiez. J'arrive. Oui, elle est de droit. Vous avez raison, Monsieur le Président. Monsieur le Président Marcangeli, je suspends pour 2 minutes. Chers collègues, la séance est reprise. Je vous demandais de regagner vos pupitres dans le calme. Chers collègues, si vous êtes tous assis, nous allons reprendre nos débats. Avant cela, j'ai donc, et avant que je regarde s'il y a des rappels au règlement après mon propos, on verra, j'ai donc noté qu'il y avait eu des propos d'un de nos collègues qui avait... permis, on va dire, une scène tumultueuse. Je vais donc indiquer à notre collègue Delogu, au titre de l'article 71.2, un rappel à l'ordre sans inscription au procès verbal, de façon à pouvoir revenir dans le calme et pouvoir reconnaître que ce propos a été tenu et qu'il est inscrit au compte-rendu. Je pense que ceci clôt la série de rappels au règlement, je l'espère, et qu'on peut reprendre. Non, il y a quand même deux rappels au règlement, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, qui le fait au groupe Liotte? C'est Monsieur Saint-Huile. Je vous écoute, sur la base de quel article? Sur la base de l'article 70-1, comme Monsieur Cazeneuve, je veux dire ici, avec une certaine gravité, mes chers collègues, que si jamais aucune explication ne pourra justifier des violences faites aux femmes, que si jamais... Nous ne pouvons accepter cela, que mon propos n'est en rien en solidarité avec les actes qui ont été commis. Il n'y a pas ici, dans cet hémicycle, un député ou une députée légitime à considérer qu'il peut, ici, entraver la démocratie. Vous avez applaudi votre première ministre cet après-midi, qui vous a dit que c'était ni un tribunal, ni des procureurs, respectez la règle. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous considérez que c'est inacceptable, parce que dans vos valeurs et vos fondements. Voilà, on s'éloigne un peu du rappel au règlement. Je vous remercie. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Monsieur le député, vous n'avez plus la parole. On s'éloigne du rappel au règlement. Et dans un souci de calme, je vais prendre le second rappel au règlement de madame Ménard. Et puis, nous reprendrons nos débats. Enfin, nous essaierons. Madame Ménard. Merci, monsieur le président. Sur la base de l'article 70, alinéa 1 également. Nul dans cette assemblée ne pourra me suspecter de sympathie particulière à l'égard de monsieur Quatennens. Néanmoins, il me semble important de rappeler qu'on ne peut pas à longueur de journée se gargariser et donner des leçons de démocratie, de séparation des pouvoirs, de respect des règles de la justice et de la liberté d'expression, qui sont des règles importantes dans notre hémicycle et que nous devons tous respecter. On ne peut pas faire ça et ne pas respecter les principes de base de notre justice. Monsieur Quatennens a été condamné, je ne reviendrai pas sur Ménard, sa condamnation. Madame Ménard, on s'éloigne. Simplement, on va pas parler de la vie de monsieur Quatennens. Je finis en deux secondes. Alors que c'est un rappel au règlement. Aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée à l'égard de monsieur Quatennens. Voilà. C'est une décision de justice qui s'applique. Et maintenant, merci, je pense qu'il faut que nous la respections tous ici. Merci. Je vous remercie. Alors. Voilà un bel hémicycle bien calme. Et la parole est à l'orateur pour l'amendement 1908, monsieur Quatennens. Merci, monsieur le président. Qui a dit est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne le crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage de masse dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, maintenant il faut aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron en 2019. Il a changé d'avis depuis, mais c'est toujours l'avis de 93% des actifs de ce pays. Et déjà en 2019, les régimes spéciaux étaient érigés en bouc émissaire. Alors bien sûr, monsieur Macron n'aime pas le terme de pénibilité. Il a d'ailleurs retiré 4 de ses critères en 2017. Or, précisément, les régimes spéciaux répondent aux enjeux de pénibilité dans les métiers concernés. La philosophie de la sécurité sociale, c'était même d'étendre les dispositifs dont bénéficient les personnes sous régime spécial à tous les travailleurs. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et de justice n'est qu'une diversion pour faire oublier l'essentiel, qui est que cette réforme des retraites va faire 100% de perdants. Merci. Nous avons terminé l'examen des amendements identiques. Thank you. Il y a quelque chose de très macroniste, en fait, dans le niveau d'indécence et de cynisme à entendre les députés de la minorité présidentielle se plaindre des conditions de bruit, des vibrations, du niveau sonore, les mêmes qu'il y a 5 ans votaient la suppression de 4 critères de pénibilité pour les travailleurs. Il y a de l'indécence à se plaindre du fait que si nous débattions dans des conditions normales, démocratiques, non pas sous la menace du 47-1, mais avec le temps qu'il faut, 1 mois, à se plaindre du temps qu'il faut pour discuter de ça, quand vous condamnez à 2 ans ferme les travailleurs et les travailleuses avec votre réforme. Alors vous ne comprenez pas pourquoi nous défendons les régimes dits spéciaux. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois le programme du Conseil national de la Résistance. Beaucoup en ont parlé. Eh bien, nous, nous nous inscrivons dans cette histoire et dans cet héritage, au contraire de vous. Parce que cette histoire et cet héritage, elles considéraient que les régimes qui étaient spéciaux à l'époque n'étaient pas spéciaux parce qu'ils étaient privilégiés, mais parce qu'ils étaient précurseurs. Et l'objectif de ce programme n'était pas d'en rester à ce qui a été fait en 45, mais de rejoindre les régimes précurseurs, de faire en sorte que les acquis et les conquis des précurseurs servent à l'ensemble. Et voilà pourquoi, en vérité, vous tenez tellement à cette mauvaise réforme. Parce que vous, votre projet, c'est le même que celui du patronat depuis 45, depuis qu'ils ont été obligés d'avaler le programme du Conseil national de la Résistance. C'est le projet qu'a rappelé Monsieur Kessler. Le projet, je cite, de sortir de 1945, de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. C'est ça votre projet. Voilà pourquoi nous défendons ces régimes. Voilà pourquoi nous aurons des millions dans la rue. réforme des retraites haïe par 80% des Français, 93% des actifs. Tous les syndicats sont contre. Près de 3 millions de personnes ont défilé dans les rues, mais vous souhaitez passer en force. Pourquoi avons-nous été élus ? Pas pour brutaliser le peuple, monsieur le ministre. Pas pour lui dire, comme monsieur Véran, que 700 000 personnes ou 1,3 million de personnes dans la rue, ça ne change pas les choses pour nous. Pas pour lui dire, comme madame Borne, que le recul de l'âge de départ à 64 ans n'est pas négociable quand le texte n'a pas été transmis à l'Assemblée. Pas pour s'entendre dire que nous serions dans le déni, que nous voudrions bordéliser le pays quand vous êtes les seuls responsables du désordre. À vrai dire, monsieur le ministre Dussopt, écoutez, vos mensonges devraient relever d'un critère de pénibilité. Pourquoi avons-nous été élus ? Pas pour discuter en 9 jours seulement de la vie actuelle et future de millions de Français. Avec cet article 47.1, vous détournez la Constitution, vous piétinez la démocratie parlementaire. Ce sera 50 jours de débat en tout, avec la possibilité d'utiliser le 49.3 ou d'adopter le texte sans vote et par ordonnance. Comment ne pas être saisi d'un vertige, alors qu'en 2 semaines, vous en êtes pris à tous les fondements de notre démocratie ? La dizaine de 49.3 n'était qu'un échauffement. À présent, les mobilisations, le travail parlementaire, les oppositions, tout y passe, y compris le droit de grève que vous envisagez d'encadrer. Collègues, pourquoi avons-nous été élus ? Les Français ont plus de discernement que vous. Ils ont une idée précise de ce qui est bon pour tous. Magie de la Macronie qui décrète ce qui est bon pour le peuple sans lui, pour son bien, contre son intérêt. Ne vous réclamez pas de la majorité quand vous passez en force contre elle. Vous n'êtes à cet instant pas les représentants du peuple, mais d'une petite caste de ministres hallucinés par leur propre idéologie. Et comme en 2020, vous voudriez nous dicter comment nous opposer à votre réforme. Il ne faudrait pas faire trop d'amendements, pas trop parler en commission. En bref, il faudrait jouer les oppositions commodes, sympathiques, responsables, c'est-à-dire vous laisser tranquillement examiner un texte dont personne ne veut. Sachez une chose, nous ne vous laisserons jamais tranquille. Alors, dans cet hémicycle, vous avez vos chouchous. Votre opposition de confort s'appelle le Rassemblement National. Ils ont déposé 219 petits amendements, soit moins que Renaissance qui en a déposé 433. L'opposition qui ne s'oppose pas, rien d'étonnant puisque Marine Le Pen défend la retraite de 62 à 67 ans. Pourquoi avons-nous été élus ? Les Français assistent aujourd'hui au délabrement d'un régime. La monarchie constitutionnelle veut qu'un homme, tout seul, condamne un peuple tout entier à 2 ans fermes. Votre obstination est telle que court une rumeur de dissolution. Notre groupe parlementaire vous le dit, nous y sommes prêts. Le peuple, en toutes circonstances, est le seul souverain dont nous reconnaissons l'autorité. Et si le gouvernement ne veut pas retirer son projet, le peuple devra retirer ce gouvernement. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas les lieutenants d'un clan. Nous devons notre place ici à tous ceux qui ont placé leurs espoirs en nous. C'est par le peuple et par lui seul que nous avons été élus. Alors, pour une fois, madame Aurore Berger a raison quand elle dit « On ne peut pas avoir une poignée de personnes qui génèrent une pagaille pour des millions de Français ». Monsieur le ministre, dans quelle autre démocratie un gouvernement minoritaire impose un texte honni par le peuple et par les syndicats ? Où avez-vous vu une chose pareille ? Toutefois, vous avez été efficace. Notre groupe parlementaire salue votre performance et votre appui dans cette bataille. Plus vous parlez, plus vous gonflez les rangs des opposants à votre réforme. En 2 semaines, plus 12 points d'opposants dans les sondages. En 1 semaine, plus 1 million de personnes dans la rue. Vous avez le don de faire l'unanimité contre vous. À vrai dire, vous vous êtes souvent égaré dans vos arguments. On ne sait plus trop si c'est une réforme de progrès, d'équilibre et de justice ou une réforme injuste mais nécessaire. Madame Borne parle de désinformation, tandis que monsieur Riester, acculé, s'aventure à dire la vérité. Oui, cette réforme pénalisera les femmes, c'est-à-dire accessoirement la moitié de la population du pays. À vous entendre, sans cette réforme, il s'abattra sur la France une pluie de sauterelles et l'univers implosera sous le poids du gigantesque déficit. Vous voilà un petit oracle de l'effondrement à la limite du complotisme. Dommage. Les dépenses ne dérapent pas, nous dit le Conseil d'orientation des retraites. Vous versez des lames de crocodile sur un déficit hypothétique de 12 milliards dans quelques années, mais pas sur les 160 milliards de déficit commercial réel cette année. Votre argument massue ressemble à un pistolet à eau. 3 actifs pour un retraité en 1970 contre 1,7 actif pour un retraité aujourd'hui. Oubliant qu'un actif est 3 fois plus productif qu'il y a 50 ans et que l'unique question, la seule qui vaille, est de savoir où ces gains de productivité se sont égarés. Pour qui, collègues, monsieur le ministre, avons-nous été élus ? Entre l'ego du président Emmanuel Macron et l'intérêt général, il faut choisir. En réalité, vous n'êtes pas au service du peuple, mais en mission de sauvetage de l'autorité du chef, en dépit de tout. Monsieur le ministre, c'est vous qui avez besoin de pédagogie. Vous annoncez cette réforme le jour où l'on apprend que 80 milliards ont été versés aux actionnaires par le CAC 40. Vous l'annoncez alors que notre pays sort d'une crise sanitaire dont les premiers, souvent les premières de corvée, seront les premières persécutées par votre réforme. Vous l'annoncez alors que les Français sont étranglés par la vie chère. Ils peinent à payer l'essence, leurs factures de gaz, d'électricité. Ils paient leurs pâtes 10% plus cher qu'il y a un an. Vous l'annoncez alors que les artisans sont abandonnés, les jeunes précarisés, nos compatriotes ultramarins méprisés. Notre pays compte toujours 10 millions de pauvres, 4,1 millions de personnes mal logées. Contrairement à ce que laisse croire votre ipatouillage, le chômage ne baisse pas. Vous radiez simplement plus de chômeurs. Soyons clairs, cette réforme n'est ni faite ni à faire, mais c'est dans une période de chaos que vous aggravez le chaos. Et tout cela pour quelques milliards d'économies. Les adeptes du sérieux budgétaire se gardent de dire que 12 milliards, c'est 65 fois moins le montant des aides aux grandes entreprises que vous arrosez chaque année sans contrepartie. Et vous perdrez aussitôt 10 milliards en dépenses d'invalidité, de RSA ou d'indemnité chômage avec cette réforme. Vous la faites au prix d'une immense souffrance et du dégoût démocratique généralisé. Pour qui avez-vous été élu ? Vous osez, monsieur le ministre, nous parler de société de l'effort, alors que l'effort pèse toujours sur les mêmes. Quels efforts avez-vous demandé à ceux qui en ont les moyens ? Quels efforts après la suppression de l'ISF, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la désertion de la lutte contre la fraude fiscale ? De quels efforts parlez-vous quand les actionnaires perçoivent 80 milliards d'euros en dormant ? De quels efforts parlez-vous quand la fortune des milliardaires provient à 80% de l'héritage, c'est-à-dire qu'ils ne se sont donné que le mal de naître ? Dites la vérité ! Dans ce pays, les riches sont des assistés et vous êtes leurs commis. Alors vous gesticulez, vous vous dandinez, vos répondeurs automatiques répètent partout les mêmes éléments de langage. Pour nous, il faudrait parler de travail, mais pas de salaire, car cela n'a rien à voir avec les retraites. Il faudrait parler de travail, mais pas des conditions de travail, car on s'éloigne du sujet. Et s'il vous plaît, ne dites pas pénibilité, mais usure professionnelle. Car le banquier de l'Élysée, après avoir supprimé 4 critères de pénibilité, n'aime toujours pas ce mot qui donne l'impression que le travail serait pénible. En toute hypothèse, la pénibilité n'existe plus grâce aux genouillères et aux exosquelettes, comme nous l'ont dit vos plus grandes lumières macronistes. Vous ne chérinez avec la valeur travail, la valeur travail, la valeur travail. Il vous reste à comprendre que la valeur travail n'existe pas. Elle n'existe pas si vous ne donnez au travail aucune valeur. Ce qui existe et dont vous êtes les artisans, ce sont des conditions de travail dégradées, des gens qui les subissent dans leur corps et pour des bas salaires. Ce sont celles des caissières qui soulèvent l'équivalent d'une tonne de marchandises par jour. De ces employés dont un quart sont déjà en incapacité la première année de leur retraite. De ces infirmières qui parcourent chaque jour 12 kilomètres. Ceci existe. Ce sont des services publics qui tiennent à ce jour grâce à la seule volonté de leurs agents. Dans les hôpitaux, les écoles, les administrations, les méthodes de management ont fait perdre le sens du métier à tant de gens qui étaient pourtant attachés. Depuis la pandémie, on compte 3 fois plus de burn-out. Les gens qui ont défilé dans la rue veulent être mieux payés, mieux considérés. Non, vous ne défendez pas la valeur travail. Vous défendez la valeur servitude. Et lorsque vous passez en force, vous êtes presque fiers de vous, les soi-disant grands réformateurs. Mais contre qui le faites-vous en réalité ? Contre Jamila, accompagnante d'élèves en situation de handicap qui cumule 3 emplois et vit avec 1 050 euros par mois. contre Alain, qui va devoir aligner 9 mois de plus comme chariste pour atteindre sa retraite. Vous passez en force contre Patricia, poissonnière depuis 40 ans dans le Morbihan, qui se lève à 1h30 du matin tous les jours, a vendu son commerce et va devenir à 60 ans chauffeur de car avant de pouvoir partir à la retraite. Son mari, marin-pêcheur puis poissonnier, attendra la retraite sans décote en devenant à 64 ans... Un peu de silence, s'il vous plaît. ...agent d'entretien. Sans parler de ces dizaines de milliers de morts avant la retraite que vous faites le choix d'ignorer. C'est contre eux que vous passez en force. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Quel courage, quelle audace. Monsieur le ministre, vous voulez plus de cotisations ? Augmentez les salaires. Réalisez l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Augmentez le taux d'emploi des seniors. Dégelez le point d'indice des fonctionnaires. Cessez de supprimer des postes dans nos services publics. Créez les emplois de la bifurcation écologique. Luttez contre le chômage et non plus contre les chômeurs. Les réponses au péril imaginaire des retraites se trouvent dans le travail. Au fond, que les Français travaillent mieux ou qu'ils travaillent tous, a peu d'importance pour vous. Vous voulez seulement qu'ils engraissent le capital plus longtemps. Monsieur le ministre, ce n'est pas le capital qui nous a élus. Collègues de tous bords, écoutez ceci. Au début du siècle dernier, on comptait 3000 heures de travail dans l'année. Il en a fallu 1500 en fin de siècle pour produire 50 fois plus. Le sens de l'histoire, c'est d'avoir augmenté la quantité de richesses produites tout en diminuant le temps de travail. Les gains de productivité ne doivent pas être captés par quelques-uns, mais servir à libérer du temps pour toutes et tous. La retraite est un choix de société. Non, il n'y a aucun impératif à une réforme archaïque et productiviste. Il n'y a aucune nécessité à persister dans l'irresponsabilité écologique. La crise climatique exige de transformer profondément nos modes de production et de consommation. Il ne s'agit pas de produire plus, quitte à produire n'importe quoi, d'encourager la société du tout jetable et du grand gaspillage. 20% de la nourriture produite chaque année est déjà jetée à la poubelle, tandis que 8 millions de Français vont à l'aide alimentaire. Il nous faut produire autrement. Nous représentons ici les héritiers de la civilisation du temps libéré, de ces luttes acharnées pour le droit du peuple à disposer librement de son temps, à organiser sa vie hors du temps contraint du travail. Au fond, la diminution du temps de travail, c'est simplement la diminution du temps contraint. C'est l'augmentation du temps libre, ce temps que l'on maîtrise, loin de coïncider avec le temps où l'on ne fait rien. En Macronie, seul le travail salarié, c'est-à-dire celui qui produit de la valeur marchande, est légitime. Le temps durant lequel s'exerce la solidarité nationale serait à bannir. Monsieur le ministre, essayez de voir par-delà les tableurs Excel. Est-ce qu'un retraité ne travaille plus ou travaille-t-il autrement ? Aujourd'hui, 33% des maires des petites communes et 50% des communes rurales sont des retraités. 40% des présidents d'associations sont des retraités. Chaque semaine, ils effectuent 23 millions d'heures de garde des petits-enfants. Est-ce que tout cela n'est pas socialement utile ? Votre réforme est une attaque en règle contre le progrès humain. Priver les travailleurs de 2 ans de repos implique en creux de marchandiser dans l'économie des services qui étaient pris en charge jusqu'à là par les liens sociaux. On va rémunérer quelqu'un pour garder les enfants, les emmener à la crèche ou pour garder ou prendre soin de nos aînés. C'est toute la cohésion intergénérationnelle que vous menacez dans ce projet. Monsieur le ministre, pour vous, le progrès économique entraîne le progrès social. Il faut des bons résultats financiers, de bonnes marges, de grands dividendes. Pour nous, c'est l'inverse. Il faut commencer par le progrès social. C'est celui à partir duquel découlent tous les autres. Monsieur le ministre, votre jusqu'au boutisme a quelque chose de forcené. Vous barricadiez toutes les issues et espérez solder le bras de fer dans l'hémicycle. Mais ces murs ne sont pas assez épais pour vous protéger de la colère qui s'élève au dehors. Et pendant l'examen du texte, les Français n'en auront pas fini avec vous. Je vous le donne en avant-première, ils seront nombreux dans la rue demain, le 7 février. Ils le seront encore le 11 février. Avec cette motion de rejet, nous vous donnons l'occasion d'arrêter le chaos délibéré. Collègues, pourquoi avons-nous été élus ? C'est cette question qui nous est posée. Le vote de cette motion de rejet ne fera pas plus de vous un insoumis qu'un membre de la NUPES, mais un simple opposant à la réforme de retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, un simple opposant au vol organisé de 2 ans de vie, comme la majorité des Français. Votons en conscience, Gardons à l'esprit que le peuple nous regarde. Honorons le mandat que nous avons reçu de lui. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Messieurs les Ministres, le retrait de votre réforme des retraites n'est pas négociable. Je vous le dis avec des millions de manifestants et de grévistes, avec tous les syndicats de travailleurs de ce pays, avec plus de 9 actifs sur 10 et 7 Français sur 10. Il est urgent d'entendre raison. Aucun gouvernement ne peut refuser d'entendre un fait aussi majoritaire, de prétendre imposer au peuple une loi qu'il ne veut pas. Cela s'appelle la démocratie. Et ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de la respecter. Au lieu de tenter d'imposer cette loi via un procédé en l'espèce bête et méchant, pour reprendre les propos mal ciblés du ministre Véran, c'est-à-dire un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale dont chacun sait qu'il n'est pas une voie parlementaire prévue pour cela, à tel point que vous risquez l'anticonstitutionnalité. Venons-en au fond. Constatons d'abord que vous n'avancez plus les mêmes objectifs. Ici même, lors du PLF, le ministre de l'Économie mettait en avant son projet de, je cite, « maîtrise des dépenses publiques par la réforme des retraites ». Ce que Pierre-Louis Bras, président du COR, lors de son audition le 19 janvier, à mon initiative, résumait ainsi. Les dépenses des retraites ne dérapent pas, mais elles ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique économique et de finances publiques du gouvernement. Voilà la vraie raison de votre réforme. Faire peser sur les retraites la réduction du déficit financier de l'État, obéir ainsi aux injonctions de Bruxelles et aux recommandations du FMI. Je comprends que vous soyez passé à une autre justification. Compliqué, en effet, de justifier de faire peser sur un mécanisme de solidarité intergénérationnelle entre les travailleurs des déficits qui lui sont étrangers. Vous avez donc ressorti une autre raison, plus classique, pour justifier votre réforme. Gabriel Attal dit « chaque euro issu de la réforme des retraites sera consacré aux retraites ». Il s'agirait donc de sauver le régime par répartition. Examinons donc ce prétexte. Là encore, je convoque l'audition du président du COR. Que dit-il ? Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Elles vont même baisser à plus ou moins long terme selon les scénarios. Si les déficits se creusent, c'est une question de ressources. Je le reformule autrement. Si en 2030, le déficit que vous anticipez sera de 12 milliards, ce ne sera pas parce que les retraites coûteront proportionnellement plus cher. La question est quelles ressources entendons-nous mobiliser collectivement pour garantir cette conquête sociale ? Donc quand Bruno Le Maire, en expliquant qu'il y a des marges de négociation au Parlement, dit fixer comme seule limite, je le cite, l'équilibre financier en 2030 du régime de retraite par répartition, je lui réponds « chiche ». Si c'est sa seule limite, nous avons bien d'autres solutions que de baisser encore les dépenses consacrées aux retraites en réduisant leur durée. Nos solutions, c'est de mobiliser plus de ressources en rebasculant une part de la valeur ajoutée du capital et plus particulièrement du capital financiarisé vers les revenus du travail, même si ça vous donne de l'urticaire, messieurs les ministres, ce qui revient à accroître le volume des cotisations. Il y a deux pistes pour cela. La première, c'est de faire, en effet, contribuer davantage le capital aux cotisations. Par exemple, si vous appliquez aux dividendes le même taux de cotisation qu'aux revenus du travail, vous rapportez plus de 20 milliards. De même, on peut facilement revenir sur une partie des exonérations de cotisations dont vous vous servez pour vos dispendieuses politiques d'aide aux entreprises sans contrepartie ni critères et qui n'est que la baisse du salaire socialisé des travailleurs. La seconde solution, c'est d'accroître cette part socialisée des salaires. Je me restreins à quelques exemples. Imposer une loi contraignante, comme le font les Islandais, l'égalité salariale homme-femme, et c'est 8 milliards en plus. Requalifier en salariés les travailleurs ubérisés, et c'est des milliards de plus. Impulser une politique favorisant l'augmentation des salaires de 4%, et c'est 12 milliards de plus. Créer des emplois dans la fonction publique pour une vraie planification écologique, et c'est des dizaines de milliards de plus. C'est un choix de civilisation. Tout ça permet de largement équilibrer le système actuel et même de revenir à la retraite à 60 ans. À cette logique de régression sociale et productiviste, nous opposons à la fois le droit à un travail pour tous et le droit de s'en émanciper une part grandissante de sa vie, comme l'y autorise le progrès technique, l'augmentation de la productivité et des richesses produites. Arrêtez de culpabiliser cette très grande majorité des travailleuses et travailleurs qui, tout en considérant leur travail le plus sérieusement, dignement, utilement possible, a le droit d'aimer le moment de leur journée où leur labeur s'arrête, le moment de l'année où ils partent en congé payé, le moment de leur vie à partir du moment duquel ils peuvent espérer profiter de quelques années en bonne santé. Merci pour se consacrer pleinement à d'autres activités humaines. Collègues, qui songeait à condamner cette France courageuse à travailler toujours plus longtemps,

commence par vous parler de ces jours passés en Guyane. J'ai fait une note sur mon blog pour donner quelques petits récits des moments que moi j'ai trouvé les plus savoureux sur place. Mais évidemment, j'y étais pour des raisons politiques et médiatiques. Médiatique, vous l'avez vu, c'est l'émission sur France 2. L'événement, c'est une émission qui commençait à 21h, ça arrangeait pas trop mes affaires, mais le décalage horaire permettait que ce soit là-bas en plein jour. Et donc il y avait un côté un peu agréable à faire une émission de cette nature ailleurs qu'enfermée dans un studio avec des formes très conventionnelles. Et puis on a pu aborder des sujets puisque j'avais la liberté du choix de ces sujets sur un certain nombre d'entre eux, comme l'espace notamment, la forêt, les accords possibles avec le Brésil. Et ça, je pense que ça a servi, ça, c'est une démonstration de comment le service public peut être un lieu où on aborde des sujets qu'il est à peu près impossible d'aborder ailleurs, parce que aucune chaîne commerciale n'accepte de prendre en charge comme sujet de discussion autre chose que les trucs plus ou moins pipolisants qui ont lieu dans la semaine. Ça, c'était important. Et puis, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte si vous l'avez regardé, cette émission, mais il y avait trois sujets en vidéo qui étaient trois sujets sur la Guyane. Alors, pour les Guyanais, il faut vous rendre compte que c'est énorme qu'on parle d'eux, qu'on parle de leur territoire, qu'on montre les paysages qui sont ceux de cet endroit. Et pour que vous finissiez complètement de prendre en compte ce qu'est la Guyane, il faut se rendre compte que c'est grand comme le Portugal, et qu'il y a peut-être 400 000 personnes dessus, les chiffres officiels c'est pas tout à fait 300 000, c'est donc un immense territoire, neuf, dont 90% de la surface appartient à l'État, et qui a une population qui est en train de se construire. Et pour dire les choses encore plus directement, il y a un peuple guyanais qui est en formation sur ce territoire. Bon, on est loin d'un peuple parce qu'il y a de nombreuses différences qui existent sur place et les gens sont pas toujours assez nombreux pour que leur interdépendance soit marquée comme dans d'autres pays. Ça donne comme résultat que nous aurons donné un coup de main à la Guyane, aux Guyanais, pour qu'on parle d'eux. Et ça, dans le moment, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Pourquoi ? Parce que dans tous les Outre-mer français, on atteint un état d'exaspération dont ce que vous vivez aujourd'hui dans l'Hexagone n'est qu'un petit reflet. C'est vraiment le sentiment d'être absolument abandonné. J'ai découvert des situations comme dans une ville comme Maripasoula, où pendant un mois, il n'y a pas d'avion. Donc personne ne peut se déplacer, parce que sinon par le fleuve, et ça prend des jours, pour faire les distances qui sont nécessaires d'être faites. Évidemment, quand vous avez des problèmes de santé ou autres, c'est quasiment insurmontable comme situation. Exaspération encore quand vous avez quelque chose comme 10 000 enfants qui n'ont pas accès à l'école. Soit parce qu'il n'y a pas d'instituteur, soit parce qu'il n'y a pas de transport. Et tout ça, ça pèse terriblement sur la vie quotidienne des gens, et qui sont excédés d'avoir le sentiment que sans cesse, les choses vont plus mal. Il n'y a rien qui s'arrange. Pendant longtemps, c'était l'inverse. On avait le sentiment que les choses s'arrangeaient, que petit à petit, on s'avançait vers un mieux-être. Et là, le sentiment est exactement l'inverse. Ce qui plombe le moral de beaucoup de monde sur place, et puis notamment de beaucoup d'élus, parce qu'il faut faire face à tout ça en même temps, avec le sentiment qu'on ne sait pas comment on va régler les problèmes. Et pendant que je me trouvais là-bas en Guyane, il s'est produit un événement que moi je considère comme un événement historique. C'est une réunion de l'ensemble des élus de l'Outre-mer qui étaient soit présents physiquement, soit reliés entre eux par une vidéoconférence. C'est un événement historique parce que ça ne s'est jamais produit jusque-là, et ça s'est fait sur un des territoires dits d'Outre-mer, c'est-à-dire la Guyane elle-même, à l'invitation du député qui organisait ça, qui était David Riemann, et de Jean-Victor Castor, qui est l'autre élu d'opposition de la Guyane. Parce que la Guyane a élu deux députés d'opposition. Et c'est un signal, je crois, parce que c'est une population qui n'est pas forcément, frontalisante, pas aller dans le choc. Pour qu'ils élisent deux députés d'opposition, c'est que vraiment la coupe est pleine. Et puis moi, ils m'ont élu au premier tour de l'élection présidentielle, puisque j'ai fait plus de 50% des voix là-bas. Et bien sûr, je le reçois moi comme personne avec gratitude, mais je suis parfaitement conscient du fait que c'est un signal politique qui est donné dans cette circonstance-là. Jetez un œil, si vous le voulez, sur cette émission, puisqu'elle traite des questions que je voulais voir traiter, et aussi parce que elle rend compte d'une ambiance, et notamment qu'elle m'a permis de m'exprimer sur la question des retraites. Cette semaine même, où nous enregistrons la revue de la semaine, nous sommes dans le temps fort numéro 1 de cette grande bataille des retraites. Je dis grande bataille des retraites parce que ici aussi, les gens sont exaspérés et que ici, il se produit surtout quelque chose de totalement nouveau. Nous en sommes à la 8e réforme des retraites et je peux vous dire, pour avoir vu toutes les autres, que c'est la première fois que les gens ne croient pas les arguments chiffrés qui sont donnés par le gouvernement. Et ça, c'est un fait complètement nouveau. Un très grand nombre de gens, mais aussi, il faut le dire pour leur honneur, de commentateurs, ont compris que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre financier et que donc la réforme obéissait à d'autres objectifs que ceux qui étaient annoncés. Et puis, on en était là, de ce doute, de cette méfiance à l'égard des arguments qui sont donnés, quand est tombé le rapport d'Oxfam, à qui on doit beaucoup, parce que il est clair d'un jour terrible ce qui est en train de se passer dans notre pays, et notamment le résultat de l'écart des fortunes entre les uns et les autres, c'est-à-dire un tout petit groupe de gens, en l'occurrence 5 milliardaires sur 6, sont plus riches après la crise Covid et les autres crises que nous avons connues depuis 2020 qu'ils ne l'étaient auparavant. Et une personne, à elle toute seule, possède autant que 20 millions de Français. Cet écart de situation, les uns s'enrichissent pendant que les autres s'appauvrissent, cet écart de situation où l'un accumule une fortune immense pendant que tous les autres perdent en moyenne 760 euros dans l'année, c'est le chiffre qui a été établi par Oxfam, à la suite de la soudaine poussée tout d'un coup de l'inflation et de la situation de stagnation qu'on a connue auparavant. Eh bien, tout ça, qui paraît à la fois soudain et cruel, est dévastateur sur l'esprit public. Alors, je devrais m'en réjouir, et d'ailleurs, je suis content que les gens ne croient pas n'importe quoi. Mais je dois dire aussi que ça crée une situation tout à fait particulière où toutes les valeurs sont démonétisées, comme on dit. On ne croit plus à rien, on ne croit plus personne. Et ça, dans une société, c'est pas une belle situation. Mais comment ne pas être dans cet état d'esprit? Dans l'enquête d'Oxfam, il y a un chiffre que j'ai trouvé absolument terrible. C'est quand cette enquête dit, voilà, si on faisait une taxe à 2%, d'accord, 2% sur les 42 milliardaires de notre pays, les plus riches, si on leur prenait 2% de taxes sur leurs super profits, on arriverait avec ces 2% à payer, à combler le déficit prévu pour les retraites dans 5, 6, 7 ou 8 ans. Bon, bien sûr, c'est une projection qui n'a aucun sens, parce que personne ne sait quelle sera la situation économique, quel sera le niveau d'emploi dans 5, 6, 7 ans. Évidemment, on ne sait pas non plus quelles crises auront frappé l'économie d'ici là. Ce dont on est certain, c'est qu'une crise s'avance et vient vers nous. Elle est le résultat, comme je l'ai déjà dit sur cette revue de la semaine et expliqué, de le fait que la Banque Centrale Européenne, mais la Banque Américaine a fait pareil, a augmenté ses taux. Ce qui veut dire que ça va rendre le crédit plus cher partout. Alors que ce soit le crédit à la consommation, que ce soit le crédit pour acheter une maison, ou pour acheter je ne sais quoi, une voiture, enfin, toutes les choses qui font tourner l'activité économique vont coûter plus cher à être acquises par le crédit, au moment même où, par ailleurs, elle coûte plus cher parce qu'il y a de l'inflation. Et tout ça devrait donc ramener un ralentissement de l'économie et une augmentation du chômage. C'est la raison pour laquelle les économistes sont, d'une manière générale, plutôt inquiets. Et, naturellement, la confrontation de cette situation avec les écarts de fortune que je viens de mentionner est absolument insupportable dans un pays qui a quand même une certaine tradition d'égalité et un certain refus des privilèges et de l'accumulation par quelques personnes de tout ce qui fait défaut à toutes les autres. C'est l'ambiance dans laquelle on rentre dans cette semaine où nous avons deux rendez-vous. Il faut en dire un mot. Le premier, c'est le 19. C'est une journée d'action à l'appel de tous les syndicats. C'est un point d'appui extrêmement précieux qu'ils soient tous d'accord. Alors, bien sûr, c'est une journée d'action et il y aura sans doute des secteurs où il y aura des appels à la grève reconductibles qui seront faits. Mais pour l'instant, ça se présente comme une journée d'action. Elle est unie. Donc, il faut espérer qu'elle ait le plus grand succès possible. Parce que partout où le travail s'arrête, s'arrête la production et s'arrête donc l'accumulation du capital. Et par conséquent, c'est une opération, ce 19, qui va coûter cher à ceux qui possèdent, à ceux qui font des bénéfices, à ceux qui font des dividendes, parce que ça va leur faire la démonstration que les gens ne sont pas prêts à tout accepter, c'est-à-dire à travailler sans cesse davantage, sans que leurs conditions matérielles s'améliorent. Parce que je rappelle que c'est de ça dont on parle à propos de la retraite, c'est d'un allongement de la durée du travail, cette fois-ci dans la vie. D'autres fois c'est dans la semaine, d'autres fois c'est dans le mois, là c'est dans la vie. Et cette augmentation de la durée du travail dans la vie n'est faite que dans l'unique objectif qui est d'augmenter l'accumulation des profits. Parce que si vous voulez y réfléchir, vous avez le droit de vous poser une question. On nous a dit qu'il faut travailler plus. Ah bon ? Ben, la question, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire faudra-t-il travailler plus ? Vous vous êtes déjà rendu compte que si la durée du travail pendant le siècle passé a été divisée par deux, c'est une tendance longue, lourde de l'histoire, mais encore heureux, qu'il y ait besoin de moins de travail pour produire ce dont on a besoin. Alors on peut discuter de savoir de quoi on a besoin, mais produire davantage en travaillant moins, c'est un résultat économique qui est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que c'est plus intéressant de travailler comme ça, industriellement, collectivement. Ça donne des résultats qui fait que vous n'avez pas besoin de coudre vos chaussures, c'est pas vous qui tissez votre chemise, et ainsi de suite. Il y a donc le travail collectif se substitue à ce qui était autrefois du travail individuel et le réalise dans de meilleures conditions et à des conditions d'accès qui sont plus simples et plus intéressantes que s'il fallait faire tout soi-même. Mais en même temps, qu'on peut observer cette progression, eh bien, on nous dit qu'il faudrait travailler davantage. Et je le redis, on travaille déjà beaucoup. La productivité du travail s'est accrue, elle a commencé à se bloquer, mais répondez à la question, ceux qui nous disent il faut produire plus, pourquoi faire ? Parce que ce qu'on produit déjà donne lieu à un gaspillage d'une telle ampleur que ça mérite qu'on s'interroge sur ce qu'on est en train de faire. Saccager la nature, piller toutes les ressources pour produire toujours davantage des choses qu'on traite toujours de plus en plus mal. Que ce soit le soin des objets, que ce soit le soin des produits alimentaires, eh bien, les pertes sont considérables, le mépris pour la durée des choses est quasi total, il y a une culture du prompt à jeter, mais ça donne des résultats terrifiants. 20% de la production alimentaire est gâchée dans notre pays. Pendant ce temps, vous avez 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Et sur ces 20%, 30% sont perdus directement au travail de la terre, et dans le transfert entre la terre et la mise en camion pour aller à l'usine de l'agroalimentaire. Et ensuite, c'est 20% à nouveau qui sont perdus dans l'agroalimentaire. Donc vous voyez que la consigne de notre époque, ça devrait être plutôt travailler moins tous, travailler moins pour travailler tous, et pour pouvoir travailler mieux. Et c'est clair que vous travaillez mieux si vous travaillez moins longtemps, tout le monde peut comprendre ça. Et vous travaillez mieux, ça veut dire notamment qu'on gâchera moins. Et donc on s'y retrouvera, non seulement parce que la productivité du travail donnera toujours les résultats qu'elle a donnés jusqu'à présent, mais en plus parce qu'on récupérera sur tout ce qui est jeté, perdu, inutilisé, etc., etc. Jusqu'à l'absurde. Par exemple, vous voyez là, en Guyane, j'ai vu les camps d'orpailleurs clandestins, et bon, de l'autre côté, au Suriname, il y en a des officiels, mais bon, c'est des gens, c'est les damnés de la terre qui sont là pour balancer le plus possible de mercure pour que ça cristallise de l'or, enfin, ça pourrit tout, la rivière, l'environnement, les gens eux-mêmes se détruisent dans cette activité. Et hier, on m'a passé une petite fiche pour argumenter mon propos sur le gâchis, et dans cette fiche, j'ai pu lire qu'une tonne de téléphone portable jeté contient autant d'or qu'une tonne de ces cailloux que ramassent les gens là-bas dans la jungle, dans les conditions que je viens de raconter. Donc si on décidait, par exemple, d'utiliser dans notre pays ce qu'à un moment donné on a appelé les mines urbaines, c'est-à-dire ramasser tous les déchets qu'on balance de tous les côtés et qu'on ne retraite pas, eh bien on aurait accès à des matières premières dans des quantités considérables et qui nous permettraient de recycler. Bref, tout ça, je veux vous dire une chose, c'est ce système économique est aberrant. La manière qu'il a de traiter l'environnement, la manière de traiter les ressources est aberrante. La manière de traiter les êtres humains est aberrante. Là, on veut augmenter le nombre d'années pendant lesquelles il faudra cotiser et repousser l'âge de départ de la retraite à 64 ans. Même question de nouveau. Pourquoi faire ? Parce que si certains se sont amusés à chiffrer un soi-disant déficit qui devrait apparaître, qui est-ce qui a chiffré ce que ça va coûter de faire cette manœuvre ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que jusqu'à présent, la moitié de ce qu'on appelle les seniors de plus de 60 ans ne sont ni en emploi, ni au chômage. Ils sont donc dans le vide et ils vivent d'allocations, ils vivent de la solidarité entre les travailleurs par les différentes caisses de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on va en augmenter le nombre, tout simplement. Et donc, on va augmenter ce que ça va coûter, d'une part en allocations chômage, ensuite en frais de santé, parce que à ces âges, on est plus fragile, et le chômage tue, le chômage détruit, le chômage mine les gens. Par conséquent, par quelque bout que vous preniez le problème, vous n'avez jamais une explication rationnelle. Il en existe pourtant au moins deux. La première, c'est que la chef du gouvernement et le président de la République sont engagés auprès de l'Union européenne à repousser l'âge de départ à la retraite, comme on le fait dans toute l'Europe. Alors c'est pour ça qu'après ils viennent, ils disent « mais les autres en font autant ». Non, les autres en font pas autant, c'est que les autres le font parce que l'on leur a ordonné, et maintenant ils viennent nous dire à nous « ben il faut faire comme eux », mais ça n'est pas plus valable pour eux que ça n'est valable pour nous. Il faut que vous sachiez, j'ai lu ça dans le Monde diplomatique, que rien ne les arrête jamais, ces gens-là. Hein. La Lituanie, par exemple, il leur propose un plan de retraite avec la retraite à 70 ans. Ils ne s'arrêtent jamais. Alors vous grattez la tête, vous dites pourquoi ils font ça? C'est absurde, tout le monde sait que à 70 ans, c'est pas le meilleur moment pour aller travailler, user son corps, parce qu'il l'est déjà usé. Ben, y a une raison. Les versements des retraites en France, comme vous le savez, c'est un système par répartition. C'est-à-dire que vous travaillez, vous payez vos cotises, et les cotises, elles servent immédiatement à payer les retraites des gens. Mais la masse de cet argent, c'est 330 milliards. Rendez-vous compte, c'est plus que le budget du pays. C'est 330 milliards. C'est une somme colossale. Eh bien, ces 330 milliards, le but du capitalisme, c'est de le sortir de la répartition pour le mettre en capitalisation. Alors, ils vont pas y arriver d'un coup. Ils ont essayé, hein. La précédente réforme des retraites qu'avait proposé de faire M. Macron, mais qu'on l'a empêché de faire, elle prévoyait d'avoir des fonds de pension et d'avoir des retraites à point. Je ne vais pas vous réexpliquer toute cette histoire, parce qu'on l'avait fait à l'époque, mais ça vous permet de bien comprendre que cette fois-là, c'était toute la somme d'un seul coup qu'il ramassait, et qu'il pouvait investir en fonds de pension et le faire travailler comme de la finance, avec tous les parasites qui se grèvent dessus, les banques, et ainsi de suite. Cette somme de 330 milliards, il la rogne. Si vous avez des mauvaises retraites, si vous êtes à un mauvais niveau de rémunération, mais que vous avez une paye qui vous permet d'y faire face, bah vous vous en allez aussitôt pour prendre des retraites complémentaires, des retraites surcomplémentaires et des plans épargne-retraite pour vous faire servir la somme dont vous estimez que vous auriez besoin. Mais ça, ça va vous coûter affreusement cher, parce que c'est pas du tout les mêmes prorata que dans la retraite par répartition. Et l'argent capitalisé, lui non plus, il voyage pas, les amis. Donc on vous raconte des histoires. C'est pas vos sous que vous allez retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous ne trouverez rien d'autre que les sous qui, à ce moment-là, circuleront entre les gens qui rempliront les plans épargne-retraite et ceux qui les videront, comme vous, si vous êtes retraité sur ces plans-là. J'espère que tout ce que je suis en train de vous dire ne paraît pas confus, mais ne paraît pas trop chiffré, trop dense. Mais je vais vous donner une dernière indication qui, à mes yeux, compte beaucoup. C'est que tout ce que font les gens qui sont à la retraite aujourd'hui ne sera plus fait par eux. Ah, quoi? Bon, on a dit déjà, s'occuper de ses enfants, faire vivre les associations, s'occuper de la mairie, notamment dans les petites communes, la proportion de maires du village qui sont à la retraite est considérable, c'est plus de 40% des maires. C'est donc beaucoup de monde. Mais qui va le faire s'ils sont occupés à autre chose? Ce qui veut dire que plein de choses qui ne sont pas dans l'ère marchande vont y entrer de force à cause de ce type de réforme. Par exemple, quand on parle des grands-parents avec leurs enfants. Mais c'est un sujet qui n'est pas du tout à traiter par-dessus la jambe. C'est pas juste « ah bah tiens, pendant que les grands-parents font ça, il n'y a pas besoin de payer la babysitter ». C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelles garanties ont les enfants de vivre une vie en famille et donc d'apprendre tous les codes, toutes les interactions sociales qui constituent une personnalité humaine et qu'on acquiert essentiellement dans les relations qu'on peut avoir avec sa famille, avec des gens qui ouvrent immédiatement un large champ de discussion, de centre d'intérêt. Je ne dis pas que les babysitters ne le fassent pas, mais ce n'est pas pareil avec quelqu'un qu'on a là pour quelques heures qu'avec quelqu'un qui est membre de sa famille, donc on est appelé à voir, à revoir, et avec lesquels on se construit soi-même. Eh bien, tout ça devrait entrer dans la sphère marchande où ça ne se trouve pas. Je demande qu'on y réfléchisse, parce que il n'y a jamais de réforme dont le but ou le sens est purement comptable. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une question purement comptable, la retraite. D'abord, il n'y a pas de problème comptable, mais quand bien même il y en aurait-il un, il faudrait d'abord réfléchir aux conséquences des décisions qui sont prises sur le fonctionnement général de la société. Alors, cette semaine donc, nous avons, le 19, la journée d'action à l'appel de tous les syndicats. Pour ma part, je serai le 19 à Marseille, comme je le fais chaque fois qu'il y a une grande mobilisation nationale, puisque c'est le dernier endroit où j'ai été élu, député de la Nation, et j'en étais très fier. Donc, par conséquent, je me mets avec eux chaque fois que je peux pour participer à des luttes. Et puis ensuite, nous allons avoir la marche du 21. Le 21, c'est un samedi, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas salariés, donc qui n'ont pas pu faire la grève, qu'ils soient au chômage, qu'ils soient jeunes en formation. Pourquoi je dis jeunes en formation? Parce que les jeunes, notamment les jeunes étudiants, il y en a 2 millions dans notre pays, mais la moitié est obligée de travailler pour se payer ses études. Et donc, elle vit avec des budgets extrêmement chiches, et on n'a pas toujours la possibilité de participer à la lutte. En tout cas, ça veut dire que la moitié d'entre eux seront retenus ailleurs. Et donc les étudiants, les retraités, les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas au travail pour autant de raisons qui leur appartiennent, eh bien, ils auront la possibilité de se mobiliser. Et ce qui est très important, c'est qu'ils le feront derrière 10 organisations de jeunesse. Et moi, je crois que c'est très important de voir des organisations de jeunesse se mêler de la question de la retraite. Alors on peut dire, ah ben c'est loin dans leur vie, la retraite, c'est pas pour tout de suite, ils ont le temps d'y penser. Pas du tout. C'est qu'ils savent très bien que le changement de mode de vie qu'implique la retraite va changer la vie tout de suite maintenant. Et puis, pour la jeune génération, c'est aussi une manière de s'emparer du monde dans lequel elle vit. Et comme vous le savez, on a beaucoup dit que les jeunes s'en foutaient, que ça les intéressait pas, etc. Je trouve que c'est un super symbole que cette journée de marche du 21 soit ouverte par les organisations de jeunesse. Et naturellement, nous autres, les Insoumis, nous nous sommes mis à leur service, nous avons distribué des tracts, organisé des cars, collé des affiches, et ça continue maintenant pour que le 21 soit un succès. Alors, fort heureusement, se sont apaisées des petites tensions qu'il y avait sur le sujet entre la mobilisation syndicale et la mobilisation de la jeunesse, qui est d'ailleurs aussi en partie une mobilisation syndicale. Et nous sommes contents de dire que tout ça converge, tout ça va dans le même sens. Cela a été dit par les dirigeants syndicalistes eux-mêmes, et donc que nous allons pouvoir vraiment jeter toutes nos forces dans la bataille, que ce soit le 19 ou que ce soit le 21. Et je vous demande vraiment de faire l'effort de vous impliquer dans cette bataille. Vous allez voir, pour ceux pour qui ce sera la première fois dans leur vie, ça va être une grande étape de l'histoire sociale de la France, parce que tout montre qu'il y a une tension extrême, que beaucoup de gens sont très choqués par les décisions qui ont été prises à propos des retraites, et que l'exaspération à l'égard du gouvernement est dans une de ses formes les plus denses. Maintenant, lui, le gouvernement, et en particulier M. Macron, il souhaite un bras de fer avec les travailleurs de ce pays, avec le peuple de ce pays. Eh bien, c'est à nous de montrer que dans ce bras de fer, c'est nous qui allons gagner. Et il faut que vous souveniez que vous en avez le droit. On a le droit de s'opposer. C'est même la règle de base dans une démocratie. Alors je vous dis au 19, au 21, et puis après on se retrouve pour une nouvelle revue de la semaine. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous découvrez ça par hasard et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça le restera toujours. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid. L'homme m'a dit, écoute-moi, je vais te poser une question. La vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. mais maintenant je puis le dire pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Neste momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Il passe donc le flambeau à sa protégée, Dilma Rousseff, élue présidente en 2010. Une revanche pour cette ancienne guérillera durement torturée sous la dictature et un succès pour Lula, qui enracine ainsi un peu plus la démocratie dans son pays. Mais comme usé par trop d'années de combat, Lula tombe malade. Il a un cancer et tout le monde pense qu'il va mourir. Il s'en sort pourtant et s'adresse bientôt aux Brésiliens en pensant déjà à un retour dans le jeu électoral. Meus amigos e minhas amigas, eu hoje recebi a notícia mais importante que ser humano poderia receber depois de 5 meses fazendo tratamento de câncer. Recebi a notícia de que conseguimos vencer o câncer. Vou voltar à vida política porque eu acho que o Brasil precisa continuar crescendo, precisa continuar se desenvolvendo, precisa continuar gerando emprego, gerando distribuição de renda e melhorando a vida de vida dos milhões e milhões de brasileiros que conseguiram chegar à classe média e não querem voltar atrás. Em 2015, la successeur de Lula est réélue pour un deuxième mandat. Elle favorise alors le lancement d'une vaste opération anticorruption qui touche tous les partis. Lavage à taux, lavage express. Le Congrès, dont de nombreux membres sont mis en cause, ne lui pardonnera pas. Elle est victime d'un coup d'État institutionnel et écartée du pouvoir. Lula se porte alors à nouveau candidat à l'élection présidentielle et se retrouve très vite en tête des sondages. Esse povo só vai parar quando eles elegerem governo democraticamente eleito pelo voto do povo brasileiro. Um abraço, companheiros, e até a vitória. La droite, écartée du pouvoir depuis maintenant 14 ans, va alors tenter de retourner l'opération Lavage à taux, Lavage Express, contre Lula en engageant des poursuites judiciaires contre lui pour corruption. Et le destin s'acharne sur l'ancien président, quand sa femme Marisa, partenaire de tous les combats depuis plus de 40 ans, meurt subitement d'un AVC en 2017. Lula est dévasté. Mais les obsèques de Marisa se transforment malgré lui en meeting politique. Queridos, queridos companheiras, queridas companheiras e queridos companheiros, companheiros e companheiras que vieram prestar sua última solidariedade e homenagem à companheira Marisa, não é... Eu tinha dito que não falaria porque... A preocupação de não falar e chorar é muito grande. Lula é rei do povo brasileiro. Lula é rei do povo brasileiro. Foi estabelecida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância. A condenação se refere a... La descente aux enfers n'est pas finie. Après de multiples rebondissements, Lula est condamné en 2018 à 12 ans de prison pour avoir prétendument accepté un appartement en cadeau quand il était président. Les accusations tournent en boucle à la télévision, les Brésiliens doutent et Lula accuse le coup. Acirrou ainda mais a tensão entre partidos governistas. Tudo foi espetacularizado. Tout ça a été organisé comme un spectacle. Era absolutamente essencial que Lula estivesse. Il était absolument essentiel que Lula soit en permanence présenté comme un criminel. Et donc les médias n'ont pas cessé de le faire passer pour un personnage odieux et criminel. Il y a eu un coup monté pour éviter qu'il brigue un nouveau mandat, où il avait beaucoup de chance, car il avait fini ses deux gouvernements sur une approbation très forte, et donc avec un très grand potentiel en tant que candidat. Il avait un potentiel très grand comme nouveau candidat. Le sort de Lula devient un enjeu national. Le juge Moreau, qui l'a condamné, est nommé ministre de la Justice en remerciement des services rendus. Le pays est coupé en deux. Les détracteurs de Lula se réjouissent de sa condamnation, tandis que chez ses partisans, beaucoup lui conseillent d'aller se réfugier à l'étranger pour échapper à la prison. De nombreux pays lui proposent alors l'asile politique. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Jamais il n'a été tenté par cette hypothèse. À cause de son respect pour le jeu démocratique. Parce que Lula, il sait que le rêve secret de l'élite brésilienne est qu'il sorte du jeu démocratique. Parce que le jour où il sort du jeu démocratique, même quand ce jeu, il est totalement biaisé, même quand ce jeu, il a perdu toute légitimité, même quand ce jeu, il est devenu illégal, ce que l'élite politique veut, c'est que Lula commette la faute, soit à l'initiative de la faute morale. Parce que ce jour-là, Lula, il est out. Lula est donc transféré par hélicoptère, de nuit, au siège de la police fédérale, dans une véritable scène de film qui réjouit ses opposants. Sous les feux d'artifice et les pétards, il entre en prison pour 12 années et tout le monde est persuadé qu'il y finira sa vie. On savait qu'il y avait un symbole politique dans cette condamnation, qu'elle transcendait l'histoire individuelle de Lula et atteignait notre propre démocratie. Qu'il aille en prison a été stratégique pour l'élection de Bolsonaro en 2018. Lula en prison, la voie est effectivement libre pour le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, un ancien militaire élu président en 2018. Bolsonaro va mener tambour battant une politique à l'exact opposé de celle de Lula. La misère et la faim refont leur apparition au Brésil. La déforestation de l'Amazonie connaît une accélération sans précédent. Le ministère de la Culture est purement et simplement supprimé. Et l'on ouvre pour les enfants pauvres des écoles civico-militaires. La généralisation de l'éducation publique et gratuite jusqu'à l'enseignement supérieur au Brésil avait été une mesure très importante. Et ce n'est pas un hasard que ce soit cela qui soit détruit. Et quand je dis détruit, c'est vraiment détruit. C'est des immeubles qui prennent feu, des musées publics qui prennent feu, des structures universitaires qui sont fermées ou abandonnées, et la perspective d'un approfondissement de cette destruction avec des coupes très importantes dans les services publics brésiliens. Le président Bolsonaro va aussi autoriser les milices privées et libéraliser les ventes d'armes. Les échauffourées sur la voie publique se multiplient. Pendant ce temps-là, Lula, lui, croupit toujours dans sa cellule. Nous pensions qu'il allait perdre le Nord, qu'il allait tout perdre. Il a été très triste. Il a passé des moments très angoissants en prison. Beaucoup de gens pensaient que ce serait la fin de sa vie politique, qu'il allait sortir pour mettre un pyjama et vieillir quelque part. Mais même en prison, Lula reste populaire et ses partisans ne le lâchent pas. Certains campent même devant la prison depuis le premier jour de son incarcération pour lui soutenir le moral. Tous les jours, il criait « Bonjour, président Lula. Bon après-midi, président Lula. Bonsoir, président Lula. » Et cela, symboliquement, a été très important pour garantir que Lula puisse continuer, qu'il puisse sortir de cette situation et qu'il puisse continuer à représenter le Brésil en ce moment historique que nous vivons. C'est étrange, mais voir un homme d'une dimension mondiale, globale, être dans cet espace, mais son esprit était toujours libre, toujours libre. Et je pense qu'il a même, disons, grandi dans cette époque à la prison. Il a beaucoup lu, il a beaucoup pensé. Deux événements vont servir de détonateur pour Lula. La mort qui frappe à nouveau, cette fois-ci son frère adoré Vava, aux obsèques duquel il lui est interdit de se rendre, quelque chose d'impensable dans un pays catholique comme le Brésil. Et un mois plus tard, la mort de son petit-fils de 7 ans. Cette fois-ci, il est autorisé à sortir de sa cellule pour aller à ses obsèques. Et comme toujours avec Lula, cet événement privé se transforme en événement politique où il va prendre une décision. Au moment de la crémation de son petit-fils, il lui promet qu'il va prouver son innocence et que la seule façon de prouver son innocence, c'est de rester en prison. Le premier message qu'il m'a envoyé de retour en prison, c'est « Je vais sortir d'ici, je vais être candidat et le Brésil va être heureux à nouveau. » Lula repart en prison, mais dans sa tête, il repart en campagne. Car il est persuadé qu'il va sortir rapidement de sa cellule. Et effectivement, en 2019, après un an et demi passé derrière les barreaux, la plus haute juridiction du Brésil, le Tribunal suprême fédéral, annule toutes les poursuites contre lui, en pointant la partialité du juge Moreau qui l'a condamné. Lula est lavé de tous les soupçons de fraude qui pesaient sur lui et libéré. Il a réussi à ce que la justice comprenne le coup monté dont il avait été victime. Il a récupéré ses droits, il a récupéré sa capacité de dialogue avec la société brésilienne à nouveau, il a récupéré son prestige et il a récupéré sa force politique. C'est une prise de risque énorme du point de vue de son intégrité physique. Et il a réussi son pari. Lula s'est transformé en mythe naturellement. Supporter un an et demi de prison sans avoir commis aucun crime, simplement parce qu'il croyait possible de prouver son innocence, Lula, à partir de cette résistance, qui est une résistance politique, commence également à représenter une sorte de résistance spirituelle. Le combat de Lula devient un combat spirituel pour soutenir la vérité, car il sait que la vérité est le fondement de la démocratie. Vérité et démocratie, deux mots bien malmenés cette année-là au Brésil. Quand le Covid s'abat sur le monde en 2020, il faut enterrer les gens nuit et jour sans discontinuer dans tout le pays. Car le président Bolsonaro ne prend aucune mesure pour protéger sa population. Il y aura 700 000 morts. Des images qui vont choquer tous les Brésiliens et le monde entier. Et quand un vaccin est enfin mis au point, Bolsonaro appelle les Brésiliens à continuer à se réfugier dans la prière. Lula, lui, se fait piquer devant les caméras et appelle tout le monde à faire de même. Lula a été réélu là en octobre par un front républicain, et ce front républicain il naît dans la mobilisation pour les vaccins, Parce que oui, il y avait tout le Brésil démocratique. Si on pouvait le mobiliser par une question, c'était « Êtes-vous en faveur ou contre les vaccins ?» Parce que là, la ligne, elle était très claire. Il n'y avait pas de personnes qui étaient contre les vaccins, qui avaient une vision d'un État démocratique, qui avaient une vision de santé publique, qui avaient une vision de stabilité, de responsabilité sociale. Lula là, brilha nossa estrela. Lula là, renasce a esperança. Lula là. En 2022, Lula est donc candidat à l'élection présidentielle pour la 7e fois de sa vie. Le Covid reste un sujet important de la campagne et une fois de plus, son histoire personnelle se confond avec celle de son pays. Ce jour-là, c'est sa troisième épouse, Janja, qui prend d'abord la parole sur scène. Mas eu tô muito emocionada porque tem uma pessoa que não tá aqui comigo hoje. E que infelizmente eu perdi para a Covid. A minha mãe que morreu é uma das quase 700 mil vítimas da Covid, que irresponsavelmente o presidente do Brasil não tomou conta. La santé, la faim, l'éducation, les sujets qui avaient conduit à la première élection de Lula il y a 20 ans sont donc de nouveau d'actualité. Et si le tribun a perdu de sa voix, il n'a rien perdu de son talent pour haranguer les foules. Vamos reconstruir esse nosso país. Ele é nosso. Ele é nosso. Ele é de cada de nós. Não é possível no século 21 a gente ter criança que vai dormir sem comer pãozinho, sem ter copo de leite, sem ter chocolate, sem ter alguma coisa para comer. Esse país a gente pode construir. Ele está nas nossas mãos. Nós já provamos uma vez. Mas eu quero voltar. Primeiro porque eu confio em vocês. Segundo porque eu confio no Brasil. E terceiro porque eu confio no taco de vocês que vão me ajudar a governar esse país e fazer esse país ser melhor. É isso, gente. Um abraço. Lula a donc été élu président du Brésil pour la troisième fois le 30 octobre 2022. Mais de justesse, à peine 51% des voix. La ligne démocratique a triomphé, mais il a gagné d'un cheveu. Alors que va-t-il faire maintenant? Mais surtout, que peut-il faire? La situation n'est pas du tout la même qu'il y a 20 ans. J'ai de la peine pour lui. Il a 75 ans, il n'est plus tout jeune et il va hériter d'une terre dévastée. Il va devoir tout recommencer depuis le début. Il va devoir reconstruire le Brésil. Lula va conquérir plus de droits pour les pauvres. Et il va réussir à sortir le Brésil de la faim. Il l'a déjà fait par le passé. Et je crois qu'il parviendra aussi à contrôler la progression de la déforestation de la forêt amazonienne. Le Brésil est l'une des plus grandes économies du monde. Il a déjà été à la 6e place pendant la présidence de Lula. Aujourd'hui, il va se réinsérer dans l'économie mondiale. Le Brésil peut être un exemple pour le monde dans le combat contre le changement climatique, pour la préservation de l'environnement et pour les énergies renouvelables et propres. Au-delà de ces mesures concrètes, l'enjeu est aujourd'hui plus large pour Lula. Le pays est fracturé. L'ex-président Bolsonaro n'a reconnu sa défaite que du bout des lèvres. Ses idées d'extrême droite ont essaimé dans tout le pays et ses partisans réclament un nouveau coup d'État. Je dirais que le grand défi qu'il a devant lui, plus que de battre Bolsonaro, c'est de battre le bolsonarisme. Ce n'est pas seulement la gauche contre la droite, hein. C'est vraiment une vision de la démocratie, de la civilisation que Lula incarne maintenant, contre une vision anti-civilisation, anti-progrès de l'humanité, contraire à toutes les valeurs de Lumière. Il va faire combien de mandats, là, maintenant, Lula ? Un seul. Ah, pourquoi ? Parce que le retour de Lula, et ça, c'est le plus grand risque qu'on vit maintenant, ne peut pas être seulement une parenthèse républicaine dans un grand avènement du populisme et de l'antipolitique qui a commencé en 2016. Il doit être la fermeture de cette parenthèse extrémiste qu'on a connue sous Bolsonaro et un peu sous Temer avant, et l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Et je pense que Lula, il sait très bien qu'il doit faire cette transition. Et c'est pas seulement une transition, c'est de donner un destin au Brésil, un destin politique, un chemin pour les prochaines générations. Le destin du Brésil se retrouve donc encore une fois entre les mains de Lula. Quoi qu'il fasse, une chose est sûre en tout cas. Lui, Luiz Inácio Lula da Silva, l'ancien tourneur Fraser né dans la plus grande misère et devenu 3 fois président de l'un des plus grands pays du monde, aura eu un destin extraordinaire. Un destin dont il fut le premier artisan, le destin d'un homme qui restera dans l'histoire. Merci, Madame la Présidente. Madame Chikirou. Donc, Madame Elisabeth Borne considère qu'elle n'a aucun état d'âme à faire cette réforme. Ce sont les mots d'un bourreau. Ce ne sont pas les mots d'une première ministre. Ce sont les mots d'un bourreau. Aucun état d'âme à infliger 2 ans de galère de plus aux travailleurs. Et comment peut-elle s'exprimer de cette façon-là? Quelle fierté retire-t-elle à parler comme ça aux gens qui ne sont pas d'accord pour sacrifier 2 ans de leur vie au travail en plus, alors que rien ne le justifie? Vous étiez en colère qu'on vous dise que vous étiez peut-être des monstres, mais là, c'est un bourreau qui s'exprime, Madame la Première Ministre. C'est ce qu'elle est, point final. Les saboteurs du service public, voilà de quoi on parle maintenant, des saboteurs du service public. Vous vous attaquez aux régimes spéciaux des agents de service public. Quel est le problème avec les régimes spéciaux des agents de service public? Ce sont des régimes avancés, pionniers, qui rendent attractif le métier d'agent de service au public. Voilà ce que vous êtes en train de saccager. Voilà ce que nous sommes fiers de défendre encore ce matin, avec force. Et voilà pourquoi demain, j'appelle, et j'ai fait des listes, monsieur Maillard, j'appelle les électriciens et les gaziers, j'appelle les agents de la RATP, j'appelle les salariés de la Banque de France, j'appelle les conseillers du CESE, j'appelle tous ceux que vous visez par votre réforme à manifester demain à 14h. Merci. Je les appelle à nous rejoindre à Paris pour dire non à votre réforme. Je vous remercie, et Madame Chikirou. Nous allons déferler. Merci. Voici le fameux Guillaume Meurice. Oui, mais je vais vous parler de pénurie d'essence aujourd'hui, puisque bientôt on n'aura plus du tout de carburant pour profiter de la prochaine pénurie de moutarde. C'est quand même fou. Bienvenue dans la 7e puissance mondiale. Il y a des files d'attente de 3 heures devant les stations-service. Alors on a d'un côté une grève des employés de chez Total, essentiellement la CGT. On va pas se mentir, parce que la CFDT n'est pas dispo. Elle a son atelier massage avec finition au siège du MEDEF. Et de l'autre côté, on a les usagers, les automobilistes que je suis allé voir ce matin. Pour y trouver, bah peut-être, je dirais, peut-être de la solidarité avec les grévistes, peut-être. Est-ce qu'on envoie l'armée? Ah oui, à ce point-là? Ah oui. Mais pour faire quoi alors? Bah pour les dégager, tous ces cons. Ouais. Ah oui, complètement. Mais est-ce que... C'est un boulot qui est dur, je concède. Ouais. Mais après, bon, voilà, un boulot, tu choisis après tout, hein. Mais en même temps, ils sont très bien payés pour ce qu'ils font. Alors, il faut arrêter. Ouais. Et envoyer l'armée, est-ce que c'est pas un peu... Non, pas du tout. Moi, la Poutine. Ah oui, ah bah faut admettre qu'en Russie, il y a moins de problèmes. Il y a moins de blocages sur les raffineries. Va vous dire que les CRS à côté des nôtres, c'est candy chez les bisounours, les nôtres. Mais bon, il faut au moins ça face à la CGT. La CGT, c'est la destruction de l'individu et de la société. La CGT, c'est la destruction de l'individu? Absolument, voilà. S'il n'y a pas de syndicat en France, tout irait très bien. Est-ce que c'est pas un peu exagéré, ça? Absolument pas. Non, je dirais c'est mesuré. On est sur quelqu'un de mesuré. La CGT is the new Daesh, je dirais. D'ailleurs, Salah Abdeslam, il mange des merguez. Coïncidence? Je ne sais pas. Bon, d'ailleurs... S'il n'y avait pas de CGT en France, on serait merveilleux, ce serait un pays magnifique. Non, c'est invraisemblable de voir ça. Moi, ça fait 80 ans que je les connais, les syndicats, croyez-moi, c'est les moins que rien. Il faut tuer ces gens-là. Alors, voilà. Bon, alors, non, métaphoriquement, on va dire. On ne tue pas les gens car c'est mal. Oui, je vous rappelle, c'est mal. Éventuellement, on les harcèle, on les pousse au burn-out. Bon, ça vous dit, il y a des formations à France Culture. Mais on ne tue pas les gens et on arrête le pétrole bashing, le total bashing, comme l'a dit cette dame. Un total bashing, oui. Je trouve que c'est un petit peu indécent. Les gens sont injustes avec Total, vous trouvez? Oui. Mais vous pensez qu'une entreprise comme Total est discriminée? De toute façon, en France, toutes les entreprises qui réussissent sont discriminées. Mais ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag « Je suis Total ». Ne touche pas à mon carbu de 12. CAC 40 Lives Matter. Stop à la discrimination. C'est pas parce que Total ne paye pas d'impôts en France qu'ils ont distribué un acompte de 2,6 milliards de dividendes à leurs actionnaires l'année dernière, que leur patron s'est encore augmenté pour atteindre 6 millions d'euros par an, qu'il faut lui tomber dessus. D'autant que... Je pense pas qu'il soit dans ceux qui gagnent le plus. Ah, le patron de Total? Oui, Patrick, je pense pas. Oh, il est pas mal placé, à mon avis. Il est pas mal placé, j'en conviens. Il faut voir la vie qu'ils ont aussi. Quand il y a un pépin, c'est quand même eux qui trinquent. Ah, c'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est quoi? C'est des soucis aussi, patron de Total. Il faut voir les coups de pression qui se prennent de la part de Bruno Le Maire. Hein. Encore ce matin, Bruno, il lui a dit « Les dividendes, alors, c'est bon, c'est chiant. Arrête. Non, bon, donc ils nous font chier, les grévistes. S'ils sont si forts que leur patron, ils ont qu'à montrer leur boîte.

en puissance travaille aussi du képi. Travaille aussi du képi. La revue de presse, alors la presse locale, ce qu'il en reste. Neuchâtel, savez-vous qu'en 1975, on comptait 77 chômeurs, ouais, en 1975, il n'y avait pas encore Radio Trédunion, hein. Alors, voilà, Oradour-sur-Glane, village assassiné. Quand les soldats de la 2e division SS Das Reich arrivent à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944, en fin de matinée, ils pensent qu'ils vont participer à une opération de ratissage. Encore un mot, ça, ratissage, qu'il faudrait utiliser avec précaution, parce que ça peut rappeler de très mauvais souvenirs. Le 9 juin, veille du massacre de Oradour, les éléments de la Das Reich ont repris Tulle aux résistants et pendent 99 otages civils en représailles. L'idée est de montrer aux populations civiles de quelle manière est punie la moindre bienveillance envers les partisans, c'est-à-dire envers les résistants. Dans les rangs de cette unité maudite, 800 Alsaciens incorporés de force, alors j'ai souligné en pointillé, incorporés de force, parce que certains ont certainement été incorporés de force, mais pas tous. Parce que déjà, à l'époque, il y avait deux sortes de gens dans la population française. Il y avait les résistants et les collabos. Les résistants et les collabos. Il faut choisir son camp. Parti de Strasbourg en février 1944 pour reconstituer les rangs. Alors, de force. Ouais. Bon, admettons, partiellement. On décompte au total 643 victimes, 246 femmes, 207 enfants et 186 hommes. Il n'y aura que 6 survivants à Oradour-sur-Glane. Et les Allemands, les nazis, ont fait des Oradour-sur-Glane par centaines en Russie et en Ukraine. Et en Pologne, on revient, l'histoire, c'est un cercle, comme une année, vous voyez, on part du 1er janvier, et puis on arrive au 31 décembre, et on retombe au 1er janvier, c'est-à-dire qu'on recommence, d'une certaine manière, ce qui s'est déjà joué l'année précédente. Et bien là, c'est pareil, il y a des cycles de 20 ans, de 100, 50 ans, de etc. La cyberguerre est déclarée entre étudiants et militaires. L'université de Lorraine, la base de défense de Nancy et le commandement de la cyberdéfense, comme cyber, organisent depuis ce lundi un exercice de cyberdéfense nommé Cyber Humanum Est. Cyber Humanum Est. Alors, Humanum Est, comme disent les hard rockers, dans les radios libres ou pas. Les télés, libres ou pas. Je suis le capitaine d'une équipe représentant un pays qui se bat pour récupérer les droits d'exploitation d'une mine de lithium. Alors c'est ça le sujet de la leçon de cybersécurité. Voilà. Alors la 6e édition du salon Eroticar est lancée à Plombières-les-Bains. Voilà. Et il y a des personnalités importante qui figure sur la photo. C'est bien. Voilà. La France est entre de bonnes mains. Épinal, vidéoprotection, de nouvelles caméras seront déployées. Ou des vidéos de surveillance, de téléprotection, appelons ça comme on voudra, il faudrait en mettre partout. Partout. Eh oui, les industriels chinois ne demandent qu'à vendre leurs marchandises. Et puis certains politiciens français ne voient que des avantages à mettre des caméras de surveillance partout. Faudrait qu'on en mette chez eux aussi, tiens. Accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Le sénateur Jean Ingret à la rencontre d'Adurne. Le sénateur a souhaité se rendre sur place afin d'avoir toutes les informations pour connaître la problématique. Pour connaître la problématique, il s'engage à défendre ce dossier aux côtés de Jean-Jacques Gauthier qui se bat pour le retour d'une liaison grande ligne Nancy-Neuchâtel. Voilà. Une mobilisation très forte de tous pour avoir un désenclavement au niveau du territoire. Voilà l'utilité de nos élus. Eh oui, nos élus, ils sont actifs, nos élus. Ils travaillent pour le bonheur du peuple, les élus. Oui, oui, oui, absolument. Absolument. Si un jour un tribunal populaire dit le contraire, ben faudra pas croire, faudra témoigner contre. Voilà. Gilles Laporte de passage pour présenter son dernier livre. Ah, dernier. Oh non, c'est pas le dernier. Décès à 97 ans de Robert Hébras, le dernier rescapé d'Oradour. Infatigable passeur de mémoire, Robert Hébras, le dernier rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne en 1944, s'est éteint samedi à l'âge de 97 ans. Oui, il a consacré le reste de sa vie à faire visiter les ruines et à expliquer ce qui s'était passé. Intelligence artificielle, au pluriel, Microsoft contre Google. Les deux géants du numérique vont s'affronter sur le terrain de l'intelligence artificielle. Dans une technologie appelée à débarquer très bientôt dans nos moteurs de recherche ou nos smartphones et qui va probablement transformer Internet. Le 30 septembre, OpenAI dévoilait ChatGPT. Un robot conversationnel capable de répondre à n'importe quelle question. À peu près. Moins de 2 mois plus tard, le service comptait 100 millions d'utilisateurs. Voilà, voilà. Google sur la défensive, son modèle menacé. Alors, on verra ce que ça donnera, tout ça, hein. Cette technologie va remodeler toutes les catégories de logiciels. 215 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires de Google l'an dernier, dont 80% provient de la publicité. Il faudra encore attendre un peu plus pour que l'intelligence artificielle, l'IA, soit disponible pour tous. Ces informations seront-elles fiables? La question mérite d'être posée, tant ChatGPT a été pris en flagrant délit d'erreur, voire de mensonge. Eh oui, par exemple, sur Remiremont, il avait dit des bêtises. Ce logiciel d'intelligence artificielle. Ben oui, il y a intelligence, et puis il y a artificiel aussi. Eh oui, on ne peut pas séparer les deux mots, paraît-il. Les manifestants interpellent le député Stéphane Viry à Épinal. Oh, les manifestants qui interpellent un député. Oh là là. Interpeller les élus. On a voté pour des gens pour qu'ils fassent une bonne politique et une fois une mauvaise politique et on leur reproche. Oh, hein? Hein, oui, la Constitution garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. Le gouvernement devrait sûrement la réviser. La pension de retraite des femmes est aujourd'hui 40% moins élevée que celle des hommes, à cause notamment des inégalités salariales à poste égal qui persistent en entreprise. Oh, allons. Alors, oui, les manifestants à Épinal qui s'adressent au député Stéphane Viry, nous garderons en mémoire quel aura été votre rôle. Si vous deviez ne pas vous opposer à cette réforme, vous contribueriez à creuser le précipice de la précarité, explique-t-il, provoquant des huées sous les fenêtres du député. Oh, des huées sous les fenêtres d'un député? Eh ben les Vosgiens, ils ont bien changé, hein. Pour l'instant, l'article 1er de la réforme des retraites, actant la suppression des régimes spéciaux, a été adopté de 18 voix dont celle du député Stéphane Viry. Alors, pour l'instant, l'article 1er de la réforme des retraites actant la suppression des régimes spéciaux a été adopté de 18 voix, majorité, dont celle du député Stéphane Viry. Alors, nous, citoyens et électeurs, garderons en mémoire quel aura été votre rôle ? Quel aura été votre rôle ? Ah oui, ça se trouve, il y en a qui vont faire un tribunal populaire. Ils mettront une note tous les jours à leurs députés, à leurs sénateurs, à leur maire, à leur etc., etc. Et puis à la fin du mois, on votera une sanction en fonction de la note, hein, une punition, une récompense, je sais pas, hein. La mobilisation contre la réforme des retraites s'amplifie. Ouais. Alors plus de 8000 personnes ont défilé ce samedi dans les rues d'Épinal, tous attendent une réponse du gouvernement face à leur colère. Pédibus et loi, service de ramassage scolaire à pied. Réunion publique le jeudi 2 mars à 20h, salle de convivialité. Un pédibus dès le 2 mai, ça vous tente ? Point d'interrogation. Comme un vrai bus, ce pédibus a des horaires, des arrêts et des trajets fixes. Venez vous informer sur ce mode de déplacement qui permet de s'organiser pour permettre aux enfants d'aller à l'école à pied. Nous avons besoin du plus grand nombre d'accompagnateurs, alors parents, grands-parents, retraités, ou toi, qui as un peu de temps, le matin, viens nous rejoindre. Alors, autre sujet, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, a vu sa fortune augmenter de 9,27 milliards d'euros en 2015. C'est comme s'il gagnait 10 000 euros par minute. Les ouvrières de Poix du Nord, Poix POX du Nord 59, qui fabriquaient les costumes Kenzo, étaient payées au SMIC, soit environ 20 000 euros par an, avec les cotisations retraite, chômage, etc. Et une année de travail, en une année de travail, elles touchaient l'équivalent de 2 minutes de leur PDG. Et il aurait fallu qu'elles cousent 568 500 ans pour accumuler 500 non 500 oh oui pour accumuler autant que Bernard Arnault en 12 mois, c'est-à-dire depuis l'âge du feu, depuis que l'Homo erectus a commencé à se redresser. Alors c'est pas le surnom de Bernard Arnault, Homo erectus, hein. Non, c'est notre ancêtre. Ça paraît déjà hallucinant, mais le plus drôle et le plus tragique, c'est que le salaire des ouvrières de Poix du Nord est trop élevé. Leur usine a délocalisé en Pologne. Voilà. Et maintenant, en Bulgarie. Et les médias, les économistes, nous le répètent tous les matins, sans humour, qu'en France, les salaires sont trop élevés. Nos salaires à nous, pas ceux des grands patrons, bien sûr. Alzheimer, un médecin gériatre de Passy-sur-Eure a repéré le marqueur génétique de la maladie d'Alzheimer après l'étude de l'ADN d'un patient et de son fils. Le fils du patient, qui avait de son côté réalisé des tests ADN dans le cadre de recherches généalogiques assez poussées, avait alors proposé aux praticiens, médecins, biologistes, d'étudier son séquençage génétique complet, pour savoir si lui-même pouvait développer une maladie d'Alzheimer ou une pathologie neuroévolutive. Voilà. Un joli cas de... Le gériatre a alors comparé la signature génétique de la lignée des rois de France à celle du fils de son patient, et le constat fut sans appel, il possédait exactement la même signature génétique. Un joli cas de sérendipité, qui est le fait de faire par hasard une découverte qui s'avère fructueuse, notamment d'un point de vue scientifique. Voilà. Et donc Alzheimer et l'hérédité. Un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer grâce au profil génétique du patient. Jusqu'à présent, on évaluait à environ 1% des cas les maladies d'Alzheimer d'ordre génétique ou familial. La congruence génétique et généalogique réexamine la question. Voilà, ça y est, on avance. La science avance grâce à la génétique. L'ADN va nous apprendre des choses, beaucoup de choses, dans pas mal de domaines. Communiqué de presse, ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. La véritable violence, c'est de mourir au travail. On a dit que vous deviez travailler jusqu'à 64 ans. On n'a pas dit que vous auriez du travail. Eh. Eh oui. Pour faire un républicain, il faut prendre un être humain si petit et humble qu'il soit. Un enfant, un adolescent, une jeune fille. Il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'exercice, par l'excès du travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à la personne, que c'est à lui de chercher la vérité, à lui de chercher la vérité, et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit, temporel ou spirituel. Alors ça, c'est un truc qui est récent, hein. On est en 2023. Eh ben non, ça date de Ferdinand Buisson, 1903. Vous voyez, déjà à l'époque, on se posait des questions, déjà à l'époque, on trouvait des réponses. Agnès Verdier-Molinier a lâché le morceau. Deux points, ouvrons les guillemets, c'est elle qui parle. Si nous ne faisons pas cette réforme, les milieux financiers nous le feront payer. Point d'exclamation, fermons les guillemets. Ça n'a donc rien à voir avec le financement des retraites. Moi aussi, je peux faire de la pédagogie. Budget total des retraites, 345 milliards. J'en passe un peu, hein. Fraude fiscale, estimation basse, 80 milliards. Augmentation de la fortune des milliardaires français sur un an depuis 2020, 100 milliards. Voilà, no comment, dirait l'autre. Si qu'on serait dans une radio libre, c'est d'ailleurs qui cause anglais, hein. Oui, les radios, ou ce qu'on cause anglais, c'est des radios libres. Ben oui, on est libre de parler anglais. Si on veut, de passer des chansons en anglais, à longueur d'antenne, si on a envie. Oui. Le réalisateur Ken Loach envoie son soutien aux grévistes contre la réforme des retraites en France. Le célèbre réalisateur britannique Ken Loach a dédié sa vie au cinéma au service de la classe ouvrière et de ses combats. De passage en France, il adresse un message de soutien aux travailleurs en France engagés dans une grève contre le gouvernement de Macron et sa réforme des retraites. Vous voyez, même les Américains, ils sont capables de, ah oui, ben oui, de réagir, mais oui. Ils ne sont pas aussi incultes que certains films auraient tendance à le faire croire. Voyons, voyons. On ne nous présente pas la meilleure qualité du travail de l'outre-Atlantique. Sinon, ça pourrait nous rendre intelligents, et ça, ça sera embêtant électoralement, qu'on devienne trop intelligent. Les souvenirs de Marcel, fils d'un mineur gréviste de 1963. Le 1er mars 1963 commence un bras de fer entre Charbonnage de France et les mineurs de Lorraine, du Nord et du Centre. La lutte durera 35 jours. Marcel avait 12 ans. Il se souvient avoir été placé dans une famille à Haute-Saône, comme des milliers d'autres enfants de mineurs, privés de nourriture. Privés de nourriture. On était dans la misère, il n'y avait plus rien à manger. On avait épuisé les conserves de légumes de notre jardin. Et comme nous étions en mars, rien ne poussait encore. Il n'y avait plus rien à manger. Le 1er mars 1963, les syndicats, soutenus par la population, déclenchent un grand mouvement de grève nationale. Elle durera 35 jours sans faiblir. Elle est massive. Marcel Schmitt avait 12 ans en mars 1963. Il était le troisième d'une fratrie de 6 enfants logés à Créange-Cité. Cela sera le destin de quelques 22 000 enfants hébergés dans des familles volontaires en France et en Belgique. Le 5 avril 1963, les gueules noires. Alors moi j'ai barré gueules noires, j'ai mis mineurs à la place. Respect, messieurs les journalistes. Du respect, messieurs les journalistes. Retourne au charbon, sinon on va peut-être annuler l'abonnement qu'on a à votre journal. Et vous retrouverez au chômage si vous continuez à être méprisant pour le peuple dont vous faites partie quand même. Hein, n'oubliez pas. Eh oui, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Retourne au charbon. Le gouvernement Pompidou lâche du lest pour une augmentation des salaires et une quatrième semaine de congé. Ce conflit social restera l'un des plus importants du XXe siècle en France, provoquant un élan de solidarité sans précédent. Voilà. Alors aussi, mettre la France à l'arrêt, jeudi 16 février, 5e journée de mobilisation intersyndicale. syndicale, vendredi 7 février, l'Assemblée nationale a jusqu'à minuit pour examiner le projet de loi de réforme des retraites. À ce moment-là, quelle que soit l'avancée des débats, le texte sera présenté au Sénat. Lundi 6 mars, fin des vacances scolaires d'hiver, durant lesquelles les syndicats ne souhaitent pas de grève reconductible, afin de ne pas sanctionner les usagers durant leur congé. Mardi 7 mars, sixième journée de mobilisation, si elle n'obtient pas gain de cause, l'intersyndicale appelle à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs. Mercredi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, l'intersyndicale veut mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. Dimanche 26 mars, date butoir pour que le Parlement se prononce sur le projet de loi, faute de quoi il pourrait être mis en œuvre par ordonnance, et faute de quoi il pourrait être mis à l'épreuve par le peuple. Alors, est la droite dans tout ça? La réforme des retraites figure dans le programme de la droite depuis 2017, mais une petite vingtaine de députés et les Républicains amenés par Aurélien Pradier, du Lot, ne veulent pas voter le texte du gouvernement. Voilà. Alors, résistant ou collabo? Il faut choisir. Voilà. Palmade, peut-on parler d'homicide? Point d'interrogation.